cesse, évidemment. Mon amour ne cesse, tous ces sacrifices que tu as fait pour moi. Je n'ai jamais manqué de rien. Oh, oh. Tu es la plus belle, tu es mon arc-en-ciel. Oh maman, tu me donnes des ailes, tu es mon prix Nobel. Ma maman, je vais prendre soin de toi. Ne t'en fous pas mon cœur. Pose ta tête sur mon épaule. Moi je veux ton bonheur. Je te remets. Seule et abandonnée, sans sa moitié. On est dans le temps, sans renoncer et ne jamais regretter. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. De prendre le relais. Oh, je t'aime, maman. Maman.